effectivement, le Bulugh al-Maram en 3 tomes, je vous avais dit, les hadiths qu'on fait, c'est la fin du livre. Donc, si vous venez avec le tome 1, vous n'allez pas y trouver. C'est comme si je vous dis qu'on fait tafsir sur la Tanna, c'est que vous avez le Coran en plusieurs juzes. Si vous venez avec le premier, ça va. Enfin, voilà. Essaye peut-être de baisser un petit peu le micro. Baisser ? Avec la barre, c'est... je ne sais pas quelle faute. Plus là. C'est bon ? Vas-y, merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Tout d'abord, la semaine prochaine, il n'y aura pas cours. Dimanche prochain, je ne serai pas là, je serai en voyage. Donc on reprend le dimanche d'après. Inch'Allah. Donc on commence avec le tafsir de la sourate Al-Rashiya. Donc désormais, je vais essayer, par exemple, Al-Rashiya, de le faire en un cours. Parce que le but, c'est le tafsir simple. C'est pas de s'attarder trop sur chaque verset ou de tirer trop de leçons du Coran. Déjà, c'est le tafsir. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك تتيل venu حديث حديث ici c'est dans le sens de الخبر النبأ c'est-à-dire le récit الغاشية de celle qui recouvre الغاشية du verbe غاشية qui veut dire غاشية يغشى qui veut dire recouvrir. De quoi parle الغاشية? Qu'est-ce que الغاشية ici? Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما disait que c'est le jour du jugement. C'est un des noms du jour du jugement. Et Saïd ibn Jubayr, un tabi'i, qui était l'élève d'Ibn Abbas, il disait Al-Rashiya, c'est-à-dire le feu qui recouvre les gens de l'enfer. Donc, comment on fait face à ce qui, en apparence, est une divergence? Ben, en fait, ce n'est pas une divergence. L'imam al-Tabari, rahimahullah, quand il a cité ses avis, il dit, Allah ici nous a dit Al-Rashiya, celle qui recouvre. Sans nous dire que c'est le jour du jugement ou que c'est le feu. Donc, on laisse tel qu'Allah l'a dit. C'est vrai à la fois pour le jour du jugement, dans le sens où elle recouvre les gens par ses malheurs et ses tristesses et ses angoisses. Et c'est vrai aussi pour le feu qui recouvre, dans le sens où elle l'enveloppe les gens de l'enfer. Donc les deux sont valables. Et on observe aussi qu'il n'a pas fait prévaloir la parole du tabi'i Saïd ibn Jubayr sur celle d'Ibn Abbas. On aurait pu trancher facilement en disant si Ibn Abbas a dit ça et Saïd ibn Jubayr, on prend Ibn Abbas. Mais pas que Saïd ibn Jubayr, ce qu'il a dit, c'est également Muhtamil, et Saïd ibn Jubayr, c'est pas n'importe qui dans le tafsir, et que les deux se contredisent pas, bien on prend. Parce que le verset, effectivement, il dit Al-Rashiya, celle qui recouvre, sans préciser. Donc, est-ce que t'es parvenu le récit de Al-Rashiya? Donc ça, bien sûr, ce n'est pas une réelle question. Cette question, elle est adressée au prophète, puisque c'est avec le kaf, al-ataka, et c'est valable pour tout être humain qui lit le Coran. C'est comme si Allah lui disait, connais-tu le récit du jour du jugement? Et bien sûr, ce récit, enfin, cette description, elle est présente dans tout le Coran, mais c'est comme pour attirer l'attention, pour que tu réfléchisses dessus, et attirer ton attention à te concentrer sur ce sujet. Ensuite, Allah nous parle des gens au jour du jugement en deux catégories. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idhin khashi'atun, et dans le verset d'après 'amilatun nasibatun. Wujuhun, des visages ce jour-là, yawma idhin khashi'a, seront khashi'a. Qu'est-ce que c'est le khushu'? On avait dit le khushu', on avait déjà expliqué plusieurs fois. Le khushu', c'est quand quelqu'un il fait preuve de recueillement ou bien de rabaissement. Donc là, ici, c'est dans le sens de Zalila. C'est pas Khashia dans le sens où ils sont pleins de recueillement devant Allah. Non, c'est pas ça. C'est un sens négatif. Khashia, c'est dans le sens Avili. Des visages, ce jour-là, seront Avili. Donc quand on parle des visages, c'est-à-dire les individus, leurs visages seront Avili. Donc ça parle des gens de l'enfer. Quelle sera leur description au jour du jugement? Des visages ce jour-là seront avili, amilatun, amila, ça veut dire qui œuvrent. C'est-à-dire ils œuvreront, ils, entre guillemets, travailleront, feront, nasibatun, Nasi Batoun, ça veut dire usé, fatigué. Ça vient de un nasab. Donc en fait, Allah nous dit que ce jour-là, il y aura des visages qui seront avilis et qui amila, c'est-à-dire ils auront des tâches à faire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les gens de l'enfer, eh bien, ils auront des, pas des tâches, mais ils auront des choses à faire. Par exemple, traîner leur chaîne, traîner leur carcan, etc. C'est ça le sens de amila. C'est-à-dire qu'ils œuvrent, mais des œuvres qui sont lourdes pour eux. Nasiba, et donc ça les use, ça les fatigue. Certains ont dit, peut-être vous pourrez le trouver ça, que ceci décrit en fait les gens qui, par exemple, comme on prend l'exemple des moines, qui œuvrent toute sa vie, qui se fatiguent à œuvrer, et pourtant ces œuvres ne lui serviront à rien, parce qu'il n'a pas la condition primordiale pour que ses œuvres soient acceptées, qui est de croire au dernier des prophètes, à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce tafsir, il n'est pas valable ici. Pourquoi? Parce que si on traduit Amilatun Nasribatun, vous avez compris ce que je viens de dire en fait, l'autre explication Amilatun Nasribatun fit dunya. C'est-à-dire ces visages-là étaient œuvrés et se fatiguaient dans la vie présente. Le problème, c'est que le verset d'avant, qu'est-ce qu'il dit? Yaouma Ivin. Ce jour-là. Donc, les descriptifs qui sont ici sont bel et bien une description de ces gens-là au jour du jugement. Donc ça veut bien dire Amilatun Nasribatun au jour du jugement. Ils œuvreront et se fatigueront. Donc là, ça nous décrit un peu la situation. Les gens qui se dirigeront vers l'enfer. Tasla naran hamiya. Tasla yani taridu tadkhulu naran hamiyatan. Ils entreront dans un feu hamiya, c'est-à-dire hami, ça veut dire chaud. Donc ça veut dire d'une extrême chaleur. Tusqa min aynin aniyatin. Tusqa. Tusqa, ça vient de saqa. Donc saqa, ça veut dire donner à boire. Donc si je dis suqiya, c'est du passif. Ça veut dire on lui a donné à boire. Donc tusqa, on leur donnera à boire. Min aynin, d'une source. Aniyatin. Aniya, Abdullah ibn Abbas et les autres anciens expliquaient ça comme voulant dire l'extrême chaleur. C'est-à-dire une eau qui atteindra une chaleur extrême. Et c'est ça qu'on leur donnera à boire. Donc en fait, ce n'est pas une boisson réellement pour les désaltérer. C'est une boisson pour augmenter à leur punition. Laïsa lahum ta'amun. Donc ça, c'est ce qui concerne leur boisson. Ensuite, Allah parle de leur nourriture. Laïsa lahum ta'amun illa min daria. Ils n'ont pas de nourriture si ce n'est daria. De daria. Min daria, c'est-à-dire tiré de. La seule nourriture qu'ils ont, c'est daria. Daria, c'est un arbre épineux. C'est-à-dire que leur nourriture, encore une fois, elle est, sa description, elle est terrible. La yusminu, le verset d'après dit, la yusminu wa la yurni min jour, contrairement à la nourriture normale. C'est-à-dire qu'encore une fois, leur nourriture, elle ne sert pas à les nourrir réellement. La yusminu, elle n'engraisse pas, wa la yurni min jour, et ne sert à rien contre la faim. C'est-à-dire que la nourriture, au minimum, elle fait que ta faim s'arrête, et aussi elle te renforce physiquement, elle t'engraisse. Donc cette nourriture-là, ni elle ne les engraisse, ni elle ne comble leur faim. Ça, c'est la description des gens de l'enfer. Et comme d'habitude dans le Coran, c'est pour ça que le Coran, Allah l'a qualifié de « mafani », il y a toujours les choses en paire. Donc juste après, Allah parle de l'extrême opposé. « Wujuhun yawma idhin na'imatun » Des visages ce jour-là seront « na'ima ».« Na'ima », ça vient de « an-na'im ». C'est-à-dire qu'ils seront resplendissants, réjouis, grâce au na'im dans lequel ils sont. Grâce à toutes les récompenses qu'ils ont reçues et au plaisir qu'ils ont devant leurs yeux et aux bonnes nouvelles qu'ils ont reçues. Donc des visages ce jour-là seront na'ima, c'est-à-dire satisfaits, resplendissants. Lisa'iha radiyatun. Sa'i, qu'est-ce que ça veut dire sa'i? L'œuvre. Sa'i, c'est l'effort, l'œuvre, le travail. Donc, l'isa'iha, vis-à-vis de leur sa'i, radiyatun, satisfait. C'est-à-dire, ils seront satisfaits de leurs œuvres. Quelles œuvres ici? Forcément, les œuvres d'ici-bas. C'est-à-dire qu'au jour du jugement, les gens du paradis, leurs visages y resplendiront, tellement ils seront satisfaits en pensant aux œuvres qu'ils ont commises, qu'ils ont faites dans la vie d'ici-bas. Parce que maintenant, ils verront enfin toutes les récompenses et tout ce qui les attend par le biais, grâce à leurs œuvres. Et donc, ils seront heureux d'avoir œuvré. Donc, c'est bien de penser à ce verset quand parfois tu as du mal à œuvrer. Mais il faut se rappeler qu'au jour du jugement, l'individu sera heureux. Il sera satisfait d'avoir, de s'être fatigué et d'avoir œuvré, d'avoir accompli la prière, d'avoir jeûné, etc., etc. Ensuite, Allah décrit donc leur situation, dans quoi ils seront. « Fi jannatin aliyah » dans un jardin « aliyah » élevé. Donc « Jannah » c'est le nom du paradis dans le Coran. Et « Jannah » à la base veut dire un jardin qui est ombragé. C'est-à-dire un jardin qui a tellement d'arbres que quand l'individu y entre, on ne le voit plus. C'est ça le sens du mot « Jannah ». Et « Jannah » donc, la racine, c'est le « djinn », le « noun » et le « noun ». Et c'est une racine, c'est-à-dire les mots qui comportent ces trois lettres, à chaque fois ils ont le sens de quelque chose de couvert, quelque chose qui cache. C'est pour ça que les djinns, les génies, on les appelle el-djinn, parce qu'on ne les voit pas. L'enfant dans le ventre de sa mère, on l'appelle djinnatun, on ne le voit pas. Un bouclier, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, as-siyamu djunnatun. Le jeûne est une protection, djunna. Pourquoi protection? Tu te protèges derrière. Donc, Jannah également, ça a ce sens. Jahannam, non. Il y a le ha en plus. Et le mim en plus. Jahannam, ça vient de, ils disent, Wallahu A'lam, le sens de Jahannam, c'est-à-dire qu'il y a un creux profond. C'est-à-dire dont le fond est très, très loin. Wallahu A'lam. Donc, fi jannatin aliyah, donc Allah ici a bien qualifié le paradis de haut, puisque le paradis fait partie de ce qu'il y a de plus haut dans la création. Il est juste sous le trône d'Allah. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. Tu n'y entendras pas de لاغية. لاغية ça vient de اللغو. Donc لاغية ici c'est comme si quelqu'un disait اللغو. Mais en fait ce qui est désigné par là c'est الكلمة, c'est-à-dire la parole qui relève du لاغو. لاغو ça veut dire le faux. Tout ce qui est des mauvaises paroles on appelle ça اللغو. Donc Allah l'a appelé لاغية. En fait, ça signifie, les salafs l'expliquaient en disant, les sahaba, les tabi'in, ils expliquaient en disant, tu n'y entendras pas de batil, pas de faux. Tu n'y entendras pas de fausses paroles vis-à-vis d'Allah, par exemple. Tu n'y entendras pas d'insultes. C'est-à-dire toutes les mauvaises paroles, tout le mensonge, etc., qui nous rend la vie parfois difficile ou négative ici-bas, ça n'existe plus dans le paradis. Toutes les paroles, y sont bonnes. Et notamment, il y a beaucoup de, au paradis, il y a beaucoup de tasbih, il y a beaucoup de tahmid, c'est-à-dire beaucoup de glorification d'Allah, de louange, etc. Donc toutes les paroles y sont bonnes, et les paroles que les gens s'échangent, c'est que des bonnes paroles, qui remontent, qui entretiennent leur sérénité, leur morale, etc. La tasma'u fiha lariya, fiha aynun jariya. Il s'y trouve, fiha, donc le ha, ça veut dire jannah. Dedans se trouve, ou il s'y trouve, Aïnoun, une source, Jariya. Jariya du verbe Jara, qui veut dire courir ou couler. C'est-à-dire, il s'y trouve une source qui coule. Ici, est-ce qu'elle veut dire qu'il n'y a qu'une source? Ici, ce qui est voulu, c'est le jins, le genre. C'est-à-dire, il s'y trouve des sources qui coulent. C'est-à-dire qu'il y a des sources, et de ces sources coulent plein de rivières dans le paradis. Et chacun dans sa propriété, il a un tas de rivières qui coulent dans sa propriété, et qui coulent sans ukhdoud. Sans creux. C'est-à-dire, elle coule comme ça à la surface de l'eau, ce qui est impossible dans le bas monde. Fiha aynun jariya. Fiha sururun marfu'a. Il s'y trouve des surur. Sarir en arabe, on aura tendance à traduire par le lit. Mais il faut nuancer. En fait, sarir, c'est plutôt ce qu'on appellerait une banquette. C'est-à-dire que, quand vous voyez dans les petits livres d'arabe comme on fait le lit sarir, parce que nous, nos lits, ils sont élevés. C'est pour ça qu'on l'appelle sarir. Si c'est par terre, on dit firash. Donc sarir, quand vous lisez si vous trouvez un hadith ou une ancienne histoire où vous trouvez le mot sarir, c'est pas forcément un lit. Ça peut être un endroit où il s'asseyait, par exemple. Une sorte de banquette. Donc il s'y trouve des surur. Donc des lits ou des banquettes, on peut le comprendre de plusieurs façons. Sururun marfu'a, élevé. C'est-à-dire que les endroits où ils se reposent, ils sont élevés. Dans le sens où de leur lit et de leur banquette, ils peuvent contempler toutes leurs propriétés, tous leurs délices et tous les plaisirs du paradis. Wa akwabun mawdu'a, et des verres posés. Pourquoi posés? On en comprend qu'ils sont servis. C'est-à-dire, c'est pas eux de les prendre, c'est pas eux de les ranger, etc. On est à leur service. Des verres qui sont, des coupes qui sont posées. Wa namariqu Masfoufa, également ça montre à quel point on est à leur service. Namariq, c'est le wasaïd, les coussins. Donc des coussins qui sont rangés. Wazarabiyu mabfoufatun. Zarabi, c'est les tapis. Et des tapis qui sont mabfoufa. Mabfoufa, ça veut dire dispersés. Donc on en comprend qu'ils sont, là c'est la description de leur lieu de repos, de leur demeure. Ensuite, Allah a terminé ici de la description des gens de l'enfer et des gens du paradis. Et il nous montre qu'est-ce qui a conduit les premiers à leur perte. En disant, Afala yanzuruna ila al-ibili, kayfa khuliqat. Ne regardent-ils pas les chameaux, al-ibil c'est les chameaux, les dromadaires, kayfa khuliqat, comment ont-ils été créés? C'est-à-dire qu'Allah invite ici les gens à réfléchir sur sa création. Parce que c'est notamment le fait de ne pas réfléchir sur sa création qui les amène à leur perte et qui les amène à adorer d'autres dieux qu'Allah. Alors qu'en réfléchissant sur sa création, on comprend sa toute-puissance, son omniscience, et on comprend qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. Il est le seul qu'on doit prier, devant lequel on doit se prosterner, etc. Donc Allah nous invite à réfléchir sur les chameaux et les dromadaires. Ce grand animal qui pourrait écraser l'homme et pourtant qui lui est soumis. Et qui peut accomplir des voyages et des tâches extraordinaires. Donc, et on observe qu'Allah a parlé de l'animal le plus commun aux premiers des gens qui ont reçu le Coran, c'est-à-dire les Arabes. Il leur a parlé de la chose la plus commune pour eux, qui est le chameau, le dromadaire. Ensuite, il passe à autre chose, de grand. Parfois le Coran il nous amène du dromadaire, ensuite le ciel, et le ciel comment il a été élevé, et les montagnes comment elles ont été dressées. Nasaba ça veut dire ériger quelque chose, donc comment les montagnes ont été érigées. Donc bien sûr ça veut dire de réfléchir sur la création de ces choses là et tout ce qu'elles contiennent. On va pas trop s'étendre. Chacun, il sait, il peut réfléchir à tout ça. Wa ila al-ardi kayfa sutihat. Et la terre, comment elle a été sutihat. As-sath, ça veut dire une surface plane. Et la terre, comment elle a été aplatie, aplanie. C'est-à-dire que la terre, quand on observe, sur la terre, on va trouver des endroits qui seraient difficilement habitables pour l'homme. Des ravins, etc. Mais qu'est-ce qu'on observe? C'est que ça, c'est pas la majorité de la terre. La majorité de la terre, elle est aplanie, les hommes ils peuvent s'y installer, ils peuvent planter, etc. Ça c'est un signe sur lequel les êtres humains ils doivent réfléchir. Et le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, et le Cheikh Abdelrahman Al-Sa'di, également, rahimahullah, ils ont attiré l'attention sur ce verset en disant que certaines personnes, ils utilisent ou ils veulent utiliser ce verset pour dire que la terre est plate. Alors maintenant c'est la mode d'ailleurs chez les complotistes de dire que la terre est plate. Et ça c'est faux, dans le Coran notamment. C'est-à-dire que, en disant, en fait, voilà, la terre soutéhat, donc ça prouve bien qu'elle est plate. Mais ça serait vrai si la terre, elle était petite. Mais la terre, elle est tellement immense qu'elle peut tout à fait être soutéhat et être ronde. Soutéhat bin nisbatilana, c'est-à-dire par relativement de notre point de vue, soutéhat, elle a été aplanie. Mais ça n'empêche pas que, vu qu'elle est immense, elle est ronde. Effectivement, toi dessus, tu as l'impression qu'elle est plate. C'est-à-dire que devant toi, c'est plat. Mais elle est tellement immense qu'elle est ronde. Et les savants musulmans, depuis toujours, et Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit que c'est un consensus chez les musulmans depuis toujours, que la terre est ronde. Ce n'est pas un débat chez les musulmans, en fait. Et notamment, ils l'ont retiré du Coran avec le verset qui dit « Wa idha al-ardu muddat ». Madda, ça veut dire « étendre quelque chose ». Donc madda, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, à l'époque, on tue un mouton, on tanne sa peau et on la tend. On va mettre quelque chose de lourd pour l'étendre. Donc Allah dit, wa idha al-ardu muddat, quand la terre sera muddat, quand on va l'étendre. Et qu'est-ce que ça prouve? C'est que là maintenant, elle ne l'est pas. Il y a ça et il y a aussi l'autre verset qui dit, إِذَا الشَّمْسُ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ. Il enroule la nuit sur le jour et le jour sur la nuit. Et donc, ils expliquent ça en disant, par exemple, c'est le même mot qu'on dit pour un turban. يُكَوِّرُ الْإِمَامَ. On enroule le turban sur la tête. Tu ne peux pas entourer un turban sur une assiette. Il faut que la chose sur laquelle tu la roules, elle soit elle-même ronde. Comme ça, voilà, vous avez entendu ça maintenant. C'est dans quelle sourate, c'est juste Attends. Wa izal ardu muddat, c'est dans l'Inshiqaq. Surat al-Inshiqaq, quelques sourates avant. Je sais pas, je connais les versets, mais j'arrive pas à te dire dans quelle sourate. Moi, tu tapes dans l'internet, enfin dans l'ordinateur. Yukawiru al-layla 'ala an-nahar, il va te donner la sourate. Si quelqu'un connaît tout le Coran par cœur, il me dit. Arrêtez ou je fais un sondage. Alors, on arrête là, Inch'Allah. Il restait pas beaucoup de la sourate. Il restait quelques versets de la sourate. On les finira la semaine prochaine, Inch'Allah. On passe au livre de fiqh. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la fois dernière? Les récipients. Bon, les récipients, on avait vu le chapitre de l'eau, on va pas le reprendre. Les récipients, comme on dit en arabe, el-aniya, el-awani aussi, c'est valable. Donc on avait vu, pour résumer, que tous les récipients, tant qu'ils sont purs et licites, eh bien ils sont, on a le droit de les posséder, de les utiliser, sauf les récipients d'or et d'argent. Et j'avais oublié de préciser une chose, deux choses. De toute façon, on est toujours dans le chapitre, donc il n'y a pas de mal. C'est que la grande majorité des savants ont assimilé aux récipients d'or et d'argent, c'est-à-dire aux verres, aux coupes, aux assiettes, etc., toute la vaisselle. C'est-à-dire les fourchettes, les cuillères, c'est pas quelque chose dans lequel on boit, c'est pas quelque chose dans lequel on mange, mais tout ça, ça y est assimilé. C'est-à-dire toute la vaisselle d'or et d'argent, elle est interdite, et on avait dit, sauf une petite reliure d'argent, quand c'est pour un besoin, pas pour décorer, mais pour un besoin, quand c'est pour réparer un plat ou un verre, etc. Et l'autre chose qu'on avait oublié de dire, c'est que, donc on avait bien dit qu'il était interdit de les posséder, donc on n'a pas le droit de les acheter, de les vendre, on n'a pas le droit de les posséder, de les utiliser. Mais si quelqu'un l'utilise quand même pour faire l'eau d'eau, est-ce que son ablution est valable? La réponse est oui, bien sûr. On différencie entre eux le fait qu'il commet un péché en utilisant un récipient interdit, mais son ablution, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas valable. Elle remplit toutes les conditions. L'eau est pure, il dit, il fait pardon tout ce qui est demandé dans les ablutions. Donc voilà, il faut faire la différence entre le péché commis et l'acte en lui-même. Est-ce qu'il est valable ou pas? Alors que, par exemple, dans l'école hanbalique, si il fait l'eau d'eau avec une eau volée, l'ablution n'est pas valable. Vous voyez la différence? Pourquoi? Parce que l'eau qui est volée, sa présence est comme son absence, c'est-à-dire c'est comme s'il n'y avait pas d'eau. Donc en fait, c'est comme s'il n'a pas fait l'eau d'eau. Alors que le récipient, c'est autre chose. Ça n'a pas de rapport direct avec l'eau d'eau. On passe au chapitre d'après, enfin au point suivant, pardon. En français, il dit les récipients des non-musulmans, aniyatu, ghayri muslimin. Donc on va voir que la règle, elle est très simple. C'est-à-dire que, pourquoi il souligne ce chapitre dans le chapitre des récipients? Ben c'est parce que les non-musulmans, ils peuvent utiliser dans leur vaisselle des choses qui sont impures. C'est-à-dire la viande, par exemple, du porc, ou des viandes d'animaux qui n'ont pas été abattus de façon licite. Et qu'est-ce que ça veut dire, abattus de façon licite? Ça veut dire que un chrétien ou un juif ou un musulman a abattu la bête. Si un musulman, un chrétien ou un juif a abattu la bête en prononçant le nom d'Allah, ça c'est l'abattage qui fait que la bête est halal. Donc la viande est halal, elle est pure. Donc tout autre abattage, et la viande serait impure. C'est-à-dire si on tue la bête comme ça, on l'étrangle, on la tue avec une balle par exemple, on la tape contre un mur, ou alors on dit au nom de Jésus, par exemple, ou pour un autre Dieu, ou si la personne n'est ni musulman, ni juif, ni chrétienne, voilà, ça c'est ce qu'on appelle el-meita, c'est une bête morte. Même si elle est destinée à être mangée, on l'appelle le cadavre, el-meita. et l'autre qui a été abattu avec un abattage qui répond aux règles, bien sûr c'est une bête morte, mais on ne l'appelle pas Meïta. C'est-à-dire c'est une Meïta, mais elle est licite, elle est halal. Donc il est possible que des non-musulmans mangent une viande impure dans leur récipient, ou alors boivent de l'alcool. L'alcool, les boissons alcoolisées, elles sont considérées par la majorité des juristes, des fuqaha dans l'islam, comme impures. C'est-à-dire que le vin, par exemple, c'est impur. S'il y a du vin dans un verre, le verre, il faudrait le laver. Donc à partir de là, bah, la question se pose, elle est pertinente. Comment on fait avec la vaisselle des non-musulmans? Si demain, je veux aller manger un flunch, si je suis invité chez des non-musulmans, comment est-ce que je fais? Mais on va voir qu'au final, la réponse, elle est, et la règle, elle est très très simple. Donc il dit, « Wa tashmalu aaniyata ahli al-kitab wa aaniyata al-mushrikin. » Donc ceci englobe la vaisselle des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Il faut savoir que dans l'islam, on appelle juif et chrétien celui qui se dit juif ou chrétien. On ne cherche pas à savoir quelle est sa croyance, on ne rentre pas dans le détail. S'il se dit juif, c'est un juif. Il se dit chrétien, c'est un chrétien. Wa aniyatal mushrikin. Et la vaisselle des mushrikin. Mushrikin, c'est-à-dire les païens, les polythéistes, etc. Wa hukmuha. Wa hukmuha shari'i. Quel est leur hukm? Donc, hukm, c'est le mot qui revient souvent, c'est-à-dire leur statut. Le hukm, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont licites, illicites, etc. Wa hukmuha ash-shar'i. C'est-à-dire quoi, shar'i? Comment vous traduirez shar'i si vous devez traduire là? Dans la religion. Religieux. Le jugement religieux. Shar'a, c'est la religion. Leur jugement religieux, annahu yubahu isti'maluha. C'est qu'il est licite, il est autorisé de les utiliser. Ma lam yutayaqqan 'adamu taharatiha. Tant qu'on n'est pas sûr qu'elles ont été souillées par l'impureté. Donc en fait, la règle, elle est simple. Donc demain, je vais à Flunch, qu'est-ce que je fais? Je mange. Je prends tout simplement. Pourquoi? Parce que la vaisselle qui est devant moi, ils l'ont lavée. Quand bien même elle a été utilisée dans des impuretés, avant de me parvenir, elle a été lavée à l'eau. La pureté n'est plus présente, donc tout simplement. C'est pas très compliqué. Les annal asla tahara. Car la base est qu'elles sont pures. La base, c'est la pureté. On avait expliqué cette règle. La base de tout objet, de toute matière, de tout animal, c'est la pureté tant qu'on n'a pas une preuve que c'est impur. Donc, la règle pour la vaisselle et les plats des gens du livre ou des moucherikines, c'est que tant qu'on n'a pas une preuve du contraire, c'est pur. Et ça, c'est prouvé par main et main texte. Par exemple, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, des juifs venaient lui donner un plat et il mangeait avec eux, il s'asseyait avec eux, il mangeait. C'est-à-dire qu'ils ne cherchaient pas à savoir qu'est-ce que vous avez mis dedans, est-ce que vous l'avez lavé. Ils viennent, c'est des juifs, donc leur égorgement il est halal, et ils mangeaient avec eux. Des chrétiens également. Un jour, il est en voyage, ils ont croisé une femme qui avait une mizada, c'est-à-dire un grand récipient en cuir rempli d'eau. Et ils lui ont demandé de son eau. Et c'est là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il a trempé sa main dedans. Et l'eau, elle s'est multipliée jusqu'à ce que plus de 1000 compagnons ont bu et fait l'eau d'eau. Et à la fin, quand il lui a rendu, il y avait autant d'eau dedans. Et la femme, ensuite, elle est entrée dans l'islam. Et elle a fait, plus tard, elle a fait entrer sa tribu, toute sa tribu, dans l'islam. Donc, qu'est-ce qu'on disait? C'est que ça, c'est un récipient. Cette grande gourde en cuir, c'est bel et bien un récipient. Donc il n'a pas cherché. C'est du cuir, il y a de l'eau dedans, c'est tout. Tant qu'on n'a pas une preuve qu'il est souillé par l'impureté, eh bien c'est tout, on prend, on peut l'utiliser. Et si on sait que ça a été souillé par l'impureté, alors qu'est-ce qu'on fait? On les utilise que si ça a été lavé. Donc dans les restaurants, la question elle ne se pose pas, puisque forcément il faut la vaisselle avant de te poser le plat. Par exemple, au niveau de la cuisson, quand ils cuisent par exemple de la viande peut-être non halal, et au-dessus par exemple du poisson comme ça, est-ce que c'est... Tant que tu le sais pas, faut pas chercher à savoir. Maintenant, si tu le sais, il faut voir est-ce que ça souille, tu vois. Si c'est souillé, c'est-à-dire il y a la sauce de la viande impure et tout, ouais, effectivement, là, ça rentre dans ce qu'on disait, c'est-à-dire faut pas l'utiliser. Donc faut pas l'utiliser non plus pour cuire du poisson ou de la viande qui serait halal. D'accord. Mais si on le sait pas, voilà. Ensuite, il dit wa thiyabu ghayri muslimina tahiratun ma lam yutayaqqan najasatuha. Et les vêtements des non-musulmans sont purs tant qu'on n'est pas sûr qu'ils sont impurs. Donc c'est la même règle. Donc ça, c'était une question qui était, imaginez-vous, avant. Et que la question, elle se posait. Donc maintenant, un peu moins, avec l'industrie et tout ça. Donc pourquoi la question, elle se posait? Eh bien parce que, avant, les non-musulmans, ils étaient connus pour moins se préserver des impuretés que de nos jours, par exemple. Ou alors, par exemple, parce qu'il est possible que certaines matières, elles soient impures ou proviennent d'une bête qui est impure. Donc, quelle est la règle? Tant qu'on ne sait pas que c'est impur, c'est pur. Et on va voir que parfois, on sait que c'est impur. Je vais vous donner des exemples avec le cuir, certains cuirs. Donc, les vêtements, tout ça, tout ce qui est les importations, par exemple, dans un pays musulman, ils importent des vêtements des pays non musulmans, etc. Tout ça, il n'y a pas de... Tant que les matières, elles sont pures, il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'y a pas d'impureté dessus. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, bien, la plupart des vêtements qu'ils portaient, c'était des vêtements qui étaient fabriqués par, ben, dans telle ville, ou bien par les chrétiens du Chem, de Syrie, et ils les achetaient sans problème, et ils les portaient sans problème, sans les laver au préalable. Ensuite, une question importante. وَيَطْهُرُ جِلْدُ الْمَيْتَةِ مَأْكُولَةِ اللَّحْمِ بِالدِّبَارِ. Alors, yatrouru, c'est-à-dire devient pur. Jildu, jild, c'est la peau. Donc ici, on va dire la peau, le cuir, de la bête morte. Donc de la bête morte, ça enlève la bête qui a été égorgée avec un égorgement légiféré. Ma'koulatil lahm, dont on a le droit de manger la viande à la base, comme la vache, le mouton, etc. Biddibar. Avec le tannage. Ça, qu'est-ce que ça signifie? Quand une bête, elle est morte, il y a deux solutions. Soit c'est un animal qu'on a le droit de manger et il a été abattu d'une façon qui fait qu'on a le droit de le manger. Donc on a expliqué tout à l'heure qu'est-ce que c'est. En gros, c'est quand un musulman, un juif ou un chrétien abat la bête est halal. Donc si la bête est halal, elle est pure, tout entière elle est pure. La chair est pure, la viande est pure, la peau est pure, tout est pur, il n'y a pas de problème. On peut utiliser la peau, en faire du cuir, etc. Si ce n'est pas le cas, on va l'appeler maïta, maïtatun, cadavre. Et le maïta, dans le Coran, c'est écrit plusieurs fois, que le maïta c'est impur. Et il n'y a pas de divergence à ce sujet entre les musulmans. Le kada, il est considéré comme impur. Donc, si vous voulez, l'animal, il se divise en... On a l'intérieur, la chair, et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Après, il y a la peau, et après, il y a au-dessus. D'accord. On a un cadavre. Il faut qu'on regarde de quel animal ça parle. Est-ce qu'avant d'être mort, l'animal, il était pur ou impur ? Donc, pur, qu'est-ce que ça veut dire? Les animaux licites à manger. Et puis, tous les autres animaux dont on n'a pas une preuve comme quoi ils sont impurs. L'âne, c'est pur. Le chat, c'est pur, etc. Après, bon, on sait que sur le chien, le porc, il y a des discussions. Donc, on va prendre l'exemple du chat et de l'âne. Est-ce qu'on a le droit de les manger? Non. C'est haram. C'est interdit de manger un chat ou de manger un âne. Mais est-ce qu'ils sont purs? Ils sont purs. Donc, on a un cadavre. Ce cadavre, c'est un animal qui était pur avant de mourir. Alors, on a le droit de prendre sa peau. La peau du cadavre, elle est pure ou pas? Elle est pure. Tout est impur là dans le cadavre. Tout est impur. L'intérieur, il est impur. Et ça, il ne pourra jamais être purifié. Et la peau, elle est impure. Mais si on prend la peau du cadavre et on la tanne, elle devient pure. Et tout ce qui est au-delà de la peau, c'est-à-dire les plumes, si on parle d'un oiseau, l'ouaba, je ne sais pas comment on dit en français, si on parle d'un dromadaire ou d'un chameau, assouf, si on parle de la laine, char, si on parle de la vache, des poils, si on parle de la vache, des chevaux, etc. Tout ça, c'est pur, même sur un cadavre, à condition qu'il était pur, non, pas d'avoir tanné, que c'était un animal pur. Ça va pour tout le monde? Bon, on refait. On a les animaux qu'on peut égorger et manger. On dit bismillah, on l'égorge, son cadavre il est pur, on l'appelle pas maïta, Il est pur, tout est pur. La viande est pure, on peut la manger. La peau, elle est pure. Même avant qu'on l'atteigne, elle est pure. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quoi le problème dans la peau? C'est qu'il y a plein de trucs qui vont y être attachés. Mais quand on l'a égorgé, tout ce qui est attaché, là, c'est considéré comme pur. Donc, même avant qu'on l'atteigne, c'est pur. Et puis, tout ce qui est au-dessus de la peau, la laine, etc., c'est pur. Maintenant, suivez-moi bien. On passe à l'extrême opposé. Un animal impur. Un animal impur, on va prendre l'exemple du porc. Le porc, on le tue, quelqu'un tue un porc, le cadavre il est impur, la peau elle est impure, est-ce qu'elle devient pure avec le tannage? Non. Non. Donc cuir de porc, c'est impur. Les manteaux, les chaussures, tout ce qui est le cuir de porc il est impur. Et tout ce qui est au-dessus de la peau, les poils, etc., c'est impur. Maintenant, on a quelque chose entre les deux. C'est l'animal qui était pur avant de mourir et qui est mort sans avoir été abattu de façon légiférée. Par exemple, il est mort en tombant, il est mort de maladie, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi meita. Là, c'est le meita. Un mouton, on n'a pas eu le temps de le tuer, il est mort tout seul. Sa chair, elle est impure, najis, et elle va le rester. Sa peau, elle est impure, pour l'instant. Et la laine, elle est pure. Pourquoi la laine, elle est pure? Pourquoi les plumes, c'est pur? Parce que, en fait, tout ça, ça n'a aucun rapport avec... C'est comme s'ils disent, entre guillemets, la vie, elle passe pas dedans. Et le sang ne passe pas dedans. Parce qu'en fait, la grosse ride, là, de l'impureté, c'est le sang, en vérité. Et ça, c'est en dehors de la peau, ça n'a rien à voir. Donc, c'est pur. Vous allez me dire, bah pourquoi dans l'animal impur, c'est pas pur? Parce que là, c'est tout l'animal qui est impur. C'est pas question de sang ou pas de sang, c'est lui-même qui est impur. Donc on a un mouton qui est mort, il s'est cogné, il est mort. Le cadavre, on pourra jamais le manger. On ne peut pas le purifier. On peut passer la viande au karcher, ça ne va pas la rendre pure. C'est impur, religieusement parlant. Sa laine, on peut la prendre. Si c'est un dromadaire, on peut prendre, je ne sais pas comment on dit, l'ouaba, on doit dire les poils, je pense, ou la fourrure, etc. Et la peau? Eh bien, la peau, elle devient pure si on la tanne. Avant qu'on la tanne, elle est impure, et une fois qu'on la tanne, elle est pure. Elle a un jugement intermédiaire. Pourquoi intermédiaire? Ben justement, parce que d'un côté, elle ressemble au poil, aux plumes et tout, parce que le dessus, il est bien sec, il est bien propre, et le dessous, lui, il est plein de boyaux, plein de restes, donc il ressemble à l'intérieur. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans plus d'un hadith, il a dit « Iza dubira al-ihabu faqad tahura ». Quand on tanne un cadavre, la peau d'un cadavre, sa peau devient pure. Et de là, on peut en faire des tapis, on peut en faire des manteaux, etc. etc. Que veut dire tanner? Tanner, c'est en utilisant de l'eau et des matières. À l'époque, c'était des matières naturelles, maintenant c'est des matières chimiques. Quel que soit le procédé, le tannage, il purifie la peau d'un cadavre, si ce cadavre était pur avant de mourir. Vous ne voyez pas de problème entre ce que je viens de vous dire et ce que je vous ai lu? Voir ceux qui suivent. Là, il n'a pas dit l'animal pur. Il a dit l'animal, donc en français comme il a dit, d'une espèce dont la viande est comestible. C'est-à-dire l'auteur du livre, lui, il est d'avis que ça, c'est valable que pour les animaux qu'on a le droit de manger. Moi, je vous ai dit, plus, c'est même vrai pour le chat, l'âne, tous les animaux qui sont purs. Donc ça, c'est deux avis. Le premier, il est plus restreint que le deuxième. Si on regarde la logique, c'est le deuxième qui prime. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'animal, par exemple, le chat, il est pur. Tout entier, sa salive est pure, il est pur. Donc quand il est mort, qu'est-ce qui fait qu'il devient impur? C'est cette mort. Donc, ses poils, ils restent purs. Et sa peau, elle va également prendre le jugement intermédiaire, comme pour le mouton. Si on la tanne, sa pureté originelle qui était avant la mort revient. Donc, c'est valable pour tout animal pur. Donc, le cuir de mouton, le cuir de bison, le cuir de vache, etc., tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre, le cuir de porc, ça, c'est impur. Ça ne peut pas devenir pur parce que c'est... Soit on dit que le porc, il est impur, et donc il n'y a pas de problème, mais même si on dit que le porc, il est pur, c'est un cadavre. Donc, c'est un cadavre, on n'a pas le droit de le manger, donc c'est impur. Bon, ça va pour la question du tannage. Alors, on continue. Il dit Wama ubina min hayyin fahuwa najisun kalmeita. C'est une grande règle dans le fiqh. Il dit et ce qui est séparé d'un animal vivant est impur comme le cadavre. En fait, il aurait dû dire ça autrement. Il aurait dû dire Ma ubina min hayy fahuwa, au lieu de dire najis, non, il aurait dû dire kamaitatihi. C'est plus précis. Et, c'est là, et le hadith, il dit ça. Un hadith rapporté par Ibn Majah, il dit Ma ubina min hayyin fahuwa kamaitatihi. Ubin, ça veut dire quoi? Abana. Séparé. Ce qui est séparé d'un vivant, c'est-à-dire d'un animal vivant, il est comme le mort de cet animal. Qu'est-ce que ça veut dire? On prend un animal quelconque et il se trouve que cet animal, par accident ou pas, on lui a coupé un membre ou il s'est coupé un membre. Quel est le jugement de ce membre, cette patte? Comme le cadavre de cet animal. Une vache, son cadavre, il est quoi? Impur. Un cadavre, on a dit, c'est impur. Un mouton, impur. Un chat, impur. Bah vous allez me dire, bah c'est quand que c'est pur? Non mais là c'est plus un cadavre. En plus on l'a pas égorgé. On parle de s'il se coupe la patte en étant vivant. Bah c'est quel cadavre qui est pur? Quel animal qu'on égorge pas, il est pur? Le poisson. Tous les animaux de la mer. Tous les animaux de la mer, donc, si jamais un poisson, ça c'est des questions qu'on imagine, il se coupe une. Comment? Une nageoire. Une nageoire vivant, bah, la nageoire elle est pure. Parce que le cadavre du poisson, il est pur. Donc ce qui est coupé d'un animal vivant, il a le même statut que le cadavre de cet animal. Et il précise ici que ce qu'on appelle fa'aratul misk, c'est pur dans l'islam. C'est quoi fa'aratul misk? Fa'aratul misk, c'est un truc qu'on retire des antilopes et d'un certain genre d'antilopes. C'est pas n'importe. Razalul misk, on l'appelle. J'en sais pas plus. Il y a une antilope spéciale dans le monde avec laquelle on fait du musc. Le musc, ça vient de l'antilope. Et en fait, ça vient d'une poche de sang qui sort de l'antilope. Et après, il y a quelque chose dedans qu'on retire. Et c'est cette matière-là qui fait ce parfum qui s'appelle le musc et qui est très cher. Quand vous allez dans une maktaba, vous achetez un musc, soi-disant, ça, c'est pas du musc. Hein. C'est un mélange de produits chimiques. Le musc, c'est pas ça. Et le musc, c'est cher. Donc ils disent ça c'est pur. Pourquoi? Parce qu'en vérité c'est pas réellement c'est pas une partie de l'animal. C'est quelque chose qui coule de lui. C'est pas la même chose. Voilà, c'était pour la précision. Et enfin il dit ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا متفق عليه. Donc dans un hadith le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam أوكي سقاءك. En fait il dit il est de la sunna, c'est-à-dire il est bien, il est recommandé de recouvrir les récipients. Donc dans un hadith le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam أوكي سقاءك. أوكي ça veut dire, à l'époque par exemple ils avaient une outre, ils mettent une peau dessus et après ils mettent un fil pour serrer. C'est ça, Aouki Sekaak. Et ensuite il a dit Wa Khammir. Khammara, ça veut dire recouvrir. C'est pour ça que le voile de la femme, on l'appelle Khimar. C'est pour ça que l'alcool, on l'appelle Khamr. Parce qu'il recouvre la raison. La raison, elle est là, mais elle l'a, il l'a recouvert. Khammir, recouvre le récipient. Et dit Bismillah. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il est bien. Pas obligatoire, mais c'est recommandé et c'est conseillé de ne pas laisser les récipients comme ça ouverts sans être couverts ou de les retourner en disant Bismillah ou de les couvrir en disant Bismillah, surtout la nuit, d'autant plus la nuit. Et il a dit Walaw anta arriva alayhi oudan, même si tu dois mettre un simple bâton en travers. Bon, comme ça, on a fini. Je pensais qu'on arriverait au chapitre suivant. Ça prend du temps quand même. Ce qui est dans le récipient qui n'a pas été couvert pendant la nuit, quel en est le jugement le lendemain? C'est pas obligatoire, mais tu peux pas. Bah, je sais pas. En fait, si je le sais, c'est que si c'est recommandé de le couvrir, c'est que la nourriture, tu peux la manger. Et la boisson, tu peux l'avoir. Mais certains savants, ils sont durs sur ça. Ils disent, si t'as pas mis, tu ne manges pas, tu le renverses. Parce qu'en fait, le hadith, il parle du fait qu'il y a certaines épidémies qui, quand Allah envoie, et qui, à chaque fois qu'elles passent au-dessus d'un récipient, elles y rentrent. Elles y entrent plutôt. Et donc, t'es pas assuré qu'il n'y ait pas un mal ou une maladie dans ta nourriture. Mais en fait, la majorité des fuqaha, ce genre d'ordre, ils vont toujours dire c'est mustahab. C'est recommandé, c'est pas interdit. Et la nourriture, tu peux la manger. Dans le sens où, si toi, t'as pas envie, t'as pas peur de la maladie, et tu veux te risquer, bah, on va pas dire c'est obligatoire. Voilà, c'est toi. C'est toi si tu veux prendre le risque, entre guillemets. On ne va pas dire verse l'eau qu'il y avait dedans, jette la nourriture qu'il y avait dedans. Donc c'est pas obligé, tu peux le manger, tu peux le boire. Il n'y a pas de mal. Mais en fait, parce que en sortant du cours, vous allez lire le contraire. C'est une précaution. Une précaution, voilà. C'est quoi la différence entre le Meïta et le Jifa? Je ne connais pas de différence. Jifa, Meïta. Bon, on va arrêter pour le faire. Comme ça, la semaine prochaine, on commence le chapitre des impuretés. Dans deux semaines. Ouais. Voilà, on va finir. سورة الزمر يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. Donc passe au hadith. Donc il dit ici بسم الله الرحمن الرحيم رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ. Donc ce qui est dit sur l'explication de al-bir et al-ithm. Al-bir ça veut dire le bien, on va dire, et al-ithm c'est le péché. Donc avant de lire le hadith, al-bir, on a ici le mot al-bir. Al-bir, c'est un mot qui est global. On peut le traduire par le bien ou la piété. En fait, le mot al-bir dans le Coran ou dans les hadiths, c'est un mot général qui englobe, comme l'expliquait Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, tout ce qu'Allah aime qu'on fasse. Ça entre dans le bir. D'ailleurs, on en a une explication dans le Coran. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. Donc Allah ici a expliqué al-bir par beaucoup de choses. La foi, croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux prophètes, aux livres. Ensuite, de donner aux pauvres, donner aux nécessités, aux orphelins, aux voyageurs, donner pour affranchir les esclaves, comme c'était à l'époque. Accomplir la prière, c'est-à-dire les cinq prières obligatoires correctement, donner la zakat obligatoire. Ensuite, وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا. Respecter les promesses, ou plutôt l'ahad, les engagements. Respecter les pactes et les engagements que tu passes. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. Ceux qui patientent dans la difficulté comme dans la facilité. وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Donc Allah explique al-bir par tout ça. Il y a de la croyance, il y a le respect de l'engagement, il y a de la patience, il y a de la prière, il y a de l'aumône. Donc de là, on peut comprendre qu'en fait, al-bir, c'est tout simplement, c'est la piété, c'est le bien. C'est ça al-bir, le mot al-bir. Et un des noms d'Allah, c'est al-bar. Al-bar, c'est celui qui fait al-bir, parce qu'Allah fait le bien. Et parfois également, al-bir, il peut avoir un autre sens qui est, enfin un sens plus particulier, qui est quand on dit par exemple, birrul walidain. Birrul walidain, qui est le contraire de ruquq walidain. Parfois, le mot al-bir, il peut avoir le sens de l'obéissance, du respect, du bon traitement, notamment des parents, par exemple. Quand on parle des parents, on parle de bir. Mais si on dit al-bir, c'est bah, tout ce que la religion, tout ce à quoi la religion encourage. Autre chose, quand Allah dit par exemple, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Entraînez-vous dans al-bir et al-taqwa. Taqwa qui veut dire éviter ce qu'Allah n'aime pas. Donc là, ils disent dans ce sens-là, quand al-bir et al-taqwa sont ensemble dans une même phrase, alors al-bir veut dire faire ce qu'Allah aime et al-taqwa veut dire ne pas faire ce qu'Allah a interdit. Mais si on les prend chacun seul, ils veulent dire la même chose. Al-bir, c'est al-taqwa, et al-taqwa, c'est al-bir. Parce que, en fait, ça englobe toute la religion. Faire ce qu'Allah a dit de faire, ne pas faire ce qu'il a interdit, c'est al-bir et c'est al-taqwa. Donc, pourquoi je vous explique ça? Parce que le hadith, il explique justement al-bir. Donc, il dit, An-Nawas ibn Sam'an, radiyallahu anhu. Donc, le compagnon, An-Nawas ibn Sam'an. Rapport. قال il a dit سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. Il dit j'ai interrogé le prophète صلى الله عليه وسلم au sujet de البر, donc ce qu'on vient de dire, et الإثم. الإثم c'est le péché, la désobéissance, le péché. En fait, il lui a juste demandé informe-moi sur le bien et le péché. Et le hadith il est immense. Qu'est-ce qu'il lui a dit? فقال البر حسن الخلق. Ça, c'est l'explication de l'bir. Il lui a dit al-bir. Donc al-bir, c'est tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Retenez que dans le Coran, Allah a expliqué l'bir par croire en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour du jugement, faire la salat, donner la zakat, aider les pauvres. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a restreint tout ça. Et il a dit al-bir husnul khuluq. Il l'a expliqué par une seule chose. Il a dit le bir, c'est le bon comportement. Comment ça se fait qu'il a réduit tout au bon comportement? C'est comme quand le prophète dit par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hajju Arafa. Dans un hadith, il a dit le Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage, c'est Arafa. Est-ce que tout le pèlerinage, c'est que d'aller à Arafa? Au pèlerinage, on va à Mina. Le lendemain, on va à Arafa. Le lendemain, on retourne à Mina. Entre les deux, on a été à Muzdalifa. Et il y a plein de trucs à faire dans le Hajj. Et pourtant, il a dit, le Hajj, c'est Arafa. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le moment indispensable et le plus important du Hajj, c'est Arafa. Donc, c'est comme si ici, il nous disait, toute la religion, elle se résume à la chose la plus importante, c'est husnul khuluq, le bon comportement. C'est-à-dire le fait de bien agir. Et le bon comportement, ça englobe deux choses. Le bon comportement entre toi et Allah, et le bon comportement entre toi et les autres. Et c'est pour ça que dans des hadiths ou bien dans des paroles des anciens, on voit plein de définitions du bon comportement. Par exemple, dans un hadith, quand un homme a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que ce n'est pas une définition du bon comportement, mais on peut en retirer une définition. Quand un homme lui a dit, est-ce que, c'est-à-dire la awra, qu'est-ce que je peux en montrer? En gros, il voulait dire, quand est-ce que je peux montrer ma awra? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ustur awrataka illa min zawjatik. Tu dois cacher ta awra, sauf de ta femme. C'est la seule personne qui peut voir ta awra, ton épouse. Et après il lui a dit, et si je suis tout seul? Et il lui a dit une phrase avec laquelle on peut résumer qu'est-ce que c'est le bon comportement entre toi et Allah. Il lui a dit Allahu ahaqqu an yustahiya minhu. Allah mérite plus qu'on ait honte de lui. C'est-à-dire, si tu aurais honte de montrer ta awara à quelqu'un, ben quand tu es seul, Allah il mérite plus que tu aies honte de lui montrer ta awara. Lui qui voit tout, malgré tout, il faut avoir honte de se découvrir devant lui. C'est pourquoi les savants, parfois déconseillent, parfois interdisent carrément, ils disent que c'est haram, de découvrir ta awara seul, sans nécessité. C'est-à-dire, si c'est pour se laver, si c'est pour se changer, si c'est pour s'habiller, si c'est pour... un quelconque autre besoin, tu peux. Mais sinon, sans besoin, le moussim, il n'a pas le droit de rester comme ça, nu chez lui, etc. Comme peut-être d'autres font. Le moussim, il n'a pas le droit. Donc, pourquoi pas. Mais tout ça, pour moi, je ne voulais pas aller dans ce sujet-là, je voulais aller dans cette phrase par laquelle on peut résumer quel est le bon comportement entre toi et Allah. C'est d'avoir honte d'Allah, tout simplement. Penser au fait qu'Allah te regarde. Qu'est-ce qu'il veut voir de toi? Et l'autre, c'est, dans un autre hadith, entre toi et les gens, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon, c'est le sens du hadith, c'est pas les mots exacts, mais quand il lui a dit, wa khaliqin, voilà, c'est ça, il lui a dit, wa atin nas bima tuhibbu an tu'tabi. C'est-à-dire, fais avec les gens ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ça résume tout le bon comportement entre toi et autrui. Comment tu aimes que les autres te traitent, ton voisin, tes parents, tes enfants, ta femme, tes amis, etc., bah fais ça avec eux, et là tu auras fait le bon comportement, c'est sûr et certain. Donc il a, pour vous montrer à quel point le bon comportement il a une grande place dans la religion, il a résumé la religion au fait de bien se comporter. Et ensuite, il a expliqué l'ithm. Et là, il a donné une information importante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que il aurait pu nous dire l'ithm, c'est ce qu'Allah a interdit. Mais ça, on le sait déjà. Tout le monde sait que le péché, c'est ce qu'Allah a interdit. Mais il arrive que tu sois confronté à des situations ou des choses où tu ne sais pas justement, est-ce que ça rentre dans ce qu'Allah a interdit ou pas. C'est ambigu, c'est douteux. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit ? Wal-ithmu ma haka fi sadrik. Le péché, c'est ce qui haka, c'est-à-dire ce qui tourne dans ta poitrine. Ce qui te dérange. Parfois, il y a des choses, tu n'as pas un verset du Coran, ni un hadith texto qui te dit c'est haram. Mais bon, c'est ambigu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné deux critères pour savoir que c'est un péché. Un critère intérieur et un critère extérieur. Le premier critère intérieur, c'est le cœur. C'est-à-dire qu'un bon croyant, bien sûr là il ne parle pas à quelqu'un qui s'en fiche de faire des péchés et qui il se repose quand il fait des péchés. Là il parle au croyant, celui qui a une conscience. Celui qui a une conscience, qui a une nature saine, qui craint Allah, quand il commet un péché, dans son cœur il se sent mal. Il a du regret. Même en le faisant, il ressent de la gêne. Ça, c'est un signe du péché. L'autre chose, il a dit « Wa karihta an yattali'a alayhi an-nas » et tu détesterais que les gens le voient. C'est-à-dire que les gens, encore une fois, les gens saints d'esprit, les gens de religion, les gens de savoir, t'aimerais pas qu'ils te voient faire cette chose ou qu'ils sachent que tu fais cette chose. Alors, c'est que c'est un péché. Parce que si c'est pas un péché, il n'y a aucun mal à ce que les gens le découvrent, les gens le sachent. Donc ça, c'est un critère extérieur. Donc ça, c'est une grande réponse à beaucoup de situations que tu te poses, auxquelles tu es confronté, ou à des questions que tu te poses. Ou alors, par exemple, moi, à la fin du Jumu'ah, ou à la fin de la cour, on vient, on me pose une question, je n'ai pas d'idée sur la réponse, parce que c'est des choses ambiguës. Parfois, on ne trouve pas de réponse. Mais la réponse, elle est, parfois, elle est là. Tu sais, en vérité, au fond de toi, si c'est bien ou si c'est mal. Si ça ne te crée pas de gêne dans ton cœur, tu es à l'aise à le faire, tu n'as pas mauvaise conscience à le faire. Si les gens le découvraient, ça ne te ferait rien. C'est qu'il n'y a pas de problème. Si c'est le contraire, c'est qu'il y a un péché là-dedans. Le hadith suivant. Ma ja'a fi nahi l'ithnaini an ittanaji dun al-thalith. An ibn Mas'oud, radiyallahu anhu, qal. Donc Abdullah ibn Mas'oud rapporte. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إذا كنتم ثلاثة quand vous êtes à trois فلا يتناجى اثنان دون الآخر que deux personnes ne parlent pas en secret sans le troisième. التناجي c'est le fait de se parler sans que les autres entendent. D'où المناجات. Et si on quand tu dis ناجى Fulanan, c'est-à-dire qu'il lui a parlé comme ça, proche et en secret. S'il lui parle comme ça devant tout le monde, qu'on dit, dans l'arabe littéraire, on dit Nada. Nada, souvent on va croire que ça veut dire appeler. Ça peut vouloir dire appeler, et sinon ça peut vouloir dire tout simplement parler de loin, c'est-à-dire de sorte à ce qu'on t'entende. Naja, Nada. Wa nada Nuhun Rabbahu. وَإِذْ نَادَ رَبُّكَ مُوسَى ça ne veut pas dire forcément qu'il l'a appelé. Il s'est adressé à lui. Et bien sûr de loin, puisqu'Allah est au-dessus des sept cieux. Quand on parle de l'individu la nuit qui s'adresse à Allah, on dit يُنَاجِي رَبَّهُ parce que le prieur, quand tu le vois la nuit, il n'est pas comme ça en train de parler à voix haute ou de crier. Donc, فَلَا يَتَنَاجَى le fait qu'il y ait le ta au début, تَنَاجَى ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes. Ils se parlent entre eux, secrètement. Ça, je fais ça pour qu'en arabe, ça rentre un petit peu. Donc, quand vous êtes à trois, deux personnes ne doivent pas se parler en secret. Et les savants disent que c'est également valable pour le fait de parler une langue que la troisième ne comprend pas. Donc, sans le troisième. Et il a expliqué pourquoi. Il a dit « Hatta tartalitu binnas » jusqu'à ce que vous vous mélangiez aux gens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on est trois, il y en a deux qui veulent se parler en secret, ils n'ont pas le droit. S'il y a un quatrième qui vient, ils ont le droit. Pourquoi ? Parce que moi, je vais avoir quelqu'un avec qui je ne vais pas me sentir seul, j'ai quelqu'un pour parler. Je ne me sens pas isolé. Donc ça, une fois qu'on se mélange à des gens, là, on a le droit. Et bien sûr, ce n'est pas valable que pour trois. Si par exemple, on est cinq, ben, les quatre n'ont pas le droit de se parler seul en laissant. Tout ça, ce que ça veut dire, c'est de ne pas laisser une personne seule et de l'isoler et de le laisser comme ça sur le côté en parlant une autre langue ou en parlant secrètement. Pourquoi ? Il a expliqué. « Min ajli anna dhalika yuhzimuhu » Parce que ceci va l'attrister. C'est-à-dire ça le rend, ça le vexe, ça le rend malheureux que bah, les gens y parlent et ils le laissent comme ça sur le carreau, ils le laissent de travers, ils le laissent de côté. Qu'est-ce qu'on en retire de ce hadith ? Déjà, on en retire bah, cette règle qui est appliquée, c'est-à-dire qu'il est interdit de faire ça. Et on a dit c'est valable aussi pour les, le fait de parler une langue que la personne ne comprend pas. Et de, quand il dit parce que ça l'attriste, on peut retirer aussi d'autres choses. Ça peut être aussi parce que bah, il va penser du mal. Il va penser que ça peut l'amener à psychoter. Et il peut commencer à penser qu'ils sont en train de parler sur lui. Ou qu'ils ne veulent pas le mêler à leurs affaires, etc. Il peut commencer à avoir wiswas. Il y a la tristesse et il y a aussi le fait qu'il peut commencer à avoir des mauvaises idées, des mauvaises pensées à leur sujet. Et surtout, qu'est-ce qu'on retire de ce hadith ? C'est une grande règle dans la charia, dans la loi islamique, c'est que la religion de l'islam, elle fait tout. C'est-à-dire ça, c'est juste un exemple, en fait, pour éviter que le croyant soit triste. Et éviter d'angoisser et d'attrister le croyant. Et donc, en fait, ça nous montre que c'est vrai pour ça. Tu n'as pas le droit de parler à deux et de laisser un troisième de côté. Mais imaginons un autre acte qui rend la personne triste. Est-ce que je dis, ah bah non, bah c'est pas écrit dans les hadiths. Alors que ça le rend triste. Bah si, ça sera interdit également, parce que ça le rend triste. C'est-à-dire que là, il a donné un exemple, et tout ce qui va le rendre triste, ton frère musulman, bah t'auras pas le droit de le faire. Ça et tous les autres trucs. Donc quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il interdit une chose, et il nous montre pourquoi. Il nous dit, parce que ça le rend triste, bah on en comprend quoi. C'est que bah, tout ce qui va le rendre triste, ça sera interdit. Ça et toutes les autres pratiques que vous pourrez faire. Donc ça montre une des grandes lignes de la religion, c'est qu'il est interdit d'attrister ton frère, de faire quoi que ce soit qui pourrait l'angoisser ou le rendre, lui donner du souci ou le rendre triste. Et donc à l'inverse, qu'il est recommandé de tout faire pour qu'il se sente bien, qu'il se réjouisse, etc. etc. Et à l'inverse, on voit que le fait de rendre triste le croyant, c'est un des objectifs du diable. Dans la sourate Qad Samira, c'est-à-dire la sourate Al-Mujadala, quand Allah dit, quand il a parlé de An-Najwa, Innama An-Najwa minash shaytani liyahzuna, ou on peut dire également liyuhzina alladhina amanu. An-Najwa, c'est-à-dire les discussions secrètes, viennent du diable pour attrister les croyants. Qu'est-ce que ça montre ? Qu'un des buts du diable, c'est d'attrister le croyant. Le croyant, c'est-à-dire le diable, il n'a pas comme but seul de t'égarer. S'il n'arrive pas à t'égarer, il aime bien aussi t'embêter. Te rendre triste, stressé, t'angoisser, te faire psychoter, etc. Tout ça, ça vient du shaitan. Et c'est pour ça qu'on voit que dans l'islam, il y a beaucoup d'optimisme. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aimait al-fa'l. Il aimait l'optimisme. Et il aimait les paroles positives. Et lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de situations, on voit qu'il encourageait, il attristait jamais. Il avait toujours des bonnes paroles, des paroles encourageantes. Même parfois celui qui avait commis un péché. Parce que parfois celui qui commet un péché, il peut tomber dans le désespoir, Shaitan y vient et il l'enfonce dans le désespoir. Alors dans ce genre de cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le khaffif, c'est-à-dire il lui allégeait un peu la tâche. Comme celui qui avait commis un péché avec une femme, et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit j'ai tout fait sauf l'acte en lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu viens de faire la salat avec nous? Il lui a dit oui. Il a dit inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at, les bonnes œuvres ça efface les péchés. Alors qu'il vient de faire un péché considérable. Pourquoi dans ce cas-là? Parce que pour éviter que Shaitan l'attriste et qu'il l'enfonce dans le désespoir. À partir du moment où il revient repentant, Ça y est, à travers cette question, il a déjà fait de Taouba. À quoi ça sert de l'enfoncer maintenant? Donc il l'a encouragé. Donc regardez le positivisme chez et l'optimisme chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith suivant, Ali ibn Umar, radiallahu anhuma, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه. Donc ici le prophète dit صلى الله عليه وسلم, c'est encore une interdiction, il dit l'homme ne doit pas, لا يقيم, يقيم c'est le مضارع du verbe أقام. قام, qu'est-ce que c'est قام? Se dresser. Donc si tu rajoutes le alif Aqama, c'est comme dakhala, entrer, adkhala, faire entrer. Donc qama, se lever, aqama, faire lever. Donc l'homme ne doit pas faire lever un homme de majlisihi, ismul makan, jalasa, majlis, l'endroit où il est assis. Personne ne doit lever quelqu'un de là où il est assis pour s'asseoir à sa place. C'est-à-dire ni un roi, ni un ministre, ni un noble, ni un chef, ni un cheikh, ni personne. Ça c'est interdit de façon égale pour tout le monde. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend ici que quand on est dans ce genre de réunion, quand quelqu'un entre, qui qu'il soit, il n'a pas le droit de dire lève-toi et je me mets à ta place. Donc ça montre, ça enseigne aux musulmans l'humilité et le respect des autres. C'est-à-dire que par exemple, si on revient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la société, il y avait beaucoup de différences entre les gens. Il y avait les nobles et les pas nobles, on va dire, Quraysh et pas Quraysh. Même au sein des Sahaba, il y avait les Muhajirin et les Ansar, et ceux qui étaient convertis après. Il y avait les Arabes et les non-Arabes. Il y avait des libres et des esclaves. Et pourtant, il leur a donné cette règle à tous. Un libre, il ne peut pas venir et dire à un esclave, lève-toi, par exemple. Ça, c'est interdit. Ça montre le respect et l'humilité que le musulman doit avoir. Donc ça, c'est interdit. C'est interdit au point où, dans Sahih Muslim, il est rapporté que Abdullah ibn Omar, un jour quelqu'un il lui a fait ça, c'est-à-dire il lui a fait dans l'autre sens. Il est entré et quelqu'un s'est levé et lui a dit assieds-toi. Et il a refusé, il s'est assis ailleurs. Pour leur apprendre ça. C'est-à-dire j'ai beau être Abdullah ibn Omar, vous ne vous levez pas pour moi. Et il est parti s'asseoir ailleurs. Il a refusé d'accepter sa place. Ensuite il a dit Walakin, mais plutôt. Tafassahu wa tawassahu. Tafassahu wa tawassahu. Tafassahu, c'est-à-dire faites le fusha, c'est-à-dire faites des espaces. Wa tawassahu, et élargissez-vous, c'est-à-dire essayez de faire que le cercle soit large, de sorte à ce qu'il y ait des espaces, à ce qu'il y ait de la place. Et certains commentateurs du hadith, ils disent ça signifie que celui qui entre, il dit ça. Walakin tafassahu wa tawassahu, c'est-à-dire quand il entre et il ne trouve pas de place, il ne dit pas quelqu'un lève-toi, il se met à sa place, ou il le pousse. Mais il dit ça. Il dit, c'est comme si quelqu'un, par exemple, à notre époque, il rentrerait et il dit s'il vous plaît, laissez-moi de la place. Ou en arabe, il dit tafassahu wa tawassahu, pour leur faire comprendre, bougez un petit peu pour me faire de la place. Donc ça montre aussi que ceux qui sont assis, ils ont ce devoir d'essayer de trouver une place à celui qui entre. Tout ça, encore une fois, par esprit d'entraide et de fraternité. Et ça montre que, notamment Majlis Ulaïm, il a un adab. Le Majlis, donc ça c'est vrai pour tout Majlis. Majlis, c'est là où tu t'assois, c'est-à-dire toute réunion, même au travail, même à l'école, c'est vrai partout. Mais c'est d'autant plus vrai dans ce genre de réunion où on apprend la religion. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc ses compagnons, ils étaient éduqués et ils respectaient la conduite à suivre dans un cercle de rappel, un cercle d'enseignement. Et ça, c'est un sujet auquel les savants, par la suite, ils ont donné une très très grande importance. Et ils ont carrément écrit des livres sur ce sujet. Adab talib ilm, c'est-à-dire la politesse et le respect, ou plutôt les règles à suivre de celui qui veut apprendre la religion. Et il lui explique comment il doit s'asseoir, comment il doit entrer, comment il salue, il demande la permission, comment il doit agir avec son enseignant, etc., etc. Tout ça, on le trouve dans la religion. Donc ça vient des hadiths, ça vient aussi des paroles des sahabas, et plus globalement des paroles des savants, tout simplement, qui recommandent certains comportements vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'endroit, vis-à-vis de celui qui enseigne, etc. Donc, faites attention avec moi. Alors, on termine avec ce hadith. Ali ibn Abbas, radiallahu anhuma, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما lorsque l'un d'entre vous mange quelque chose فلا يمسح يده حتى يلعقها il ne doit pas essuyer sa main avant de l'avoir léché أو يلعقها ou de l'avoir fait lécher متفق عليه. Et dans une autre version il a parlé des doigts, il ne doit pas s'essuyer les doigts. Pourquoi c'est important ça? C'est pour montrer qu'en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa façon de faire, c'était de manger. Donc à l'époque, tout le monde mangeait avec ses mains. Il ne mangeait pas avec des couverts. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait pas avec toute la main. Il mangeait avec les doigts, avec trois doigts. Pourquoi c'est. En quoi il y a une sagesse là-dedans? Ben parce que c'est pas le. Comme quelqu'un de. C'est pas un goinfre, quoi. C'est pas la façon de manger de quelqu'un qui veut tout manger, etc. C'est une façon poser, de manger. C'est-à-dire même dans la façon de manger, il nous a appris une façon de faire et une façon de manger. Donc c'est pour ça qu'il disait par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, yakfi al-mar'a luqaymatun yuqimna dhahrahu. Il suffit à l'individu, écoutez bien le mot qu'il a dit, luqaymat, ça vient du mot laqma. Laqma c'est une bouchée, mais il a dit luqaymat, des petites bouchées, qui le tiennent debout. Yuqimna, c'est toujours le verbe aqama, c'est-à-dire qu'il tienne son dos debout. Qu'est-ce que ça signifie? Que il suffit à l'être humain de manger peu. Mais même quand il nous a dit ça, il a employé le mot luqaymat, c'est-à-dire des petites bouchées. C'est-à-dire que non seulement il ne mange pas jusqu'à se goinfrer, il mange jusqu'à shaba, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'ait plus faim. Quand il est rassasié, il arrête de manger. C'est ça qui est recommandé, on ne dit pas que c'est obligatoire, mais c'est recommandé. Et en plus, il mange en petites bouchées. Et ça, si on regarde maintenant là, tout le discours qu'il y a sur la diététique, etc., etc., ben on voit que c'est des choses sur lesquelles ils insistent maintenant. De ne pas manger trop, de manger quand tu as faim, de manger en petites bouchées, de ne pas manger trop vite. Ben, tout ça, c'est dans la sunna du prophète. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, donc le hadith, il parle de main, mais j'ai précisé que dans une autre version, il a parlé des doigts. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait avec ses trois doigts. Est-ce que ça veut dire que c'est interdit de manger avec la fourchette ou Non. Ça, c'est une question d'époque et une question d'habitude. C'est-à-dire que même en mangeant avec ta fourchette, tu peux appliquer ça. En évitant de prendre des grosses bouchées avec ta fourchette. Donc il dit que quand quelqu'un mange, il ne doit pas s'essuyer avant d'avoir léché ses doigts. Quelle est la sagesse dans ça? Comme il le dit dans un autre hadith, c'est parce qu'on ne sait pas où se trouve la baraka de la nourriture. C'est-à-dire que la nourriture, elle a des bénéfices qui sont concrets. Ce qu'on connaît maintenant avec les vitamines, les minéraux, etc., les protéines. Mais il y a autre chose aussi qui est abstrait, c'est la baraka. Ça vient d'Allah. Et cette baraka, on ne sait pas, ça peut être tout. Ça peut être le fait que cette nourriture, elle va t'aider à obéir à Allah. Peut-être que cette nourriture, elle a l'air faible. Et puis elle va te rendre fort, etc. Il y a de la baraka dans qu'Allah fait descendre dans la nourriture. Or, tu ne sais pas où elle se trouve. Elle peut se trouver même dans ce qui reste sur tes doigts. Donc en gros, il nous dit, il ne faut rien lâcher en fait de la nourriture. Il ne faut rien laisser comme ça. Et ça nous apprend autre chose, qui est de rien négliger de la nourriture dans les restes. S'il nous dit de lécher les doigts, alors qu'est-ce qu'on en comprend sur tout ce qui reste dans l'assiette, ce qu'il y a sur les côtés qui tombe? Tout ça, on est censé le manger. Il n'y a pas de gâchis, normalement. Le plat, on le garde au frigo, on le mange plus tard. Imaginez-vous si ce qu'il y a sur les doigts, il nous dit de le lécher. C'est-à-dire, ne le perdez pas. C'est comme s'il nous disait, ne le perdez pas. Ce qu'il y a sur les doigts, il ne faut pas le perdre. Va pas l'essuyer, et après tu le perds. Lèche-le. Alors, qu'en est-il de ce qui est dans le plat, de ce qui est les graineries qui tombent tout autour? Ou nous, on passe la serviette, on jette tout à la poubelle. Le prophète, ça va, il nous a appris qu'il ne faut rien négliger de la nourriture. On ne sait pas dans quelle partie se trouve la baraka. On peut même dire qu'il est à craindre pour celui qui néglige tout ça, que Allah le prive justement de, à cause de sa façon de faire, qu'Allah le prive de la baraka, c'est-à-dire la bénédiction, cette chose qui vient du ciel et qu'on ne peut pas décrire, qui est dans la nourriture. Et dans d'autres hadiths, il nous explique aussi qu'elle tombe au milieu du plat, etc. etc. Donc en fait, il ne faut rien négliger de... Il faut rien négliger de la nourriture, il ne faut rien gaspiller. Ensuite, il dit ici, jusqu'à lécher ses doigts ou les faire lécher. Ça montre en fait à quel point parfois le lien entre l'homme et sa femme, il peut être au point où il lui fait lécher ses doigts à la fin du repas. Et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parlait de ces choses-là. De ce genre de lien, d'affection et de proximité entre le mari et son épouse. Regardez cette petite parenthèse. Il a dit... ou qu'il les fasse lécher. C'est-à-dire forcément pas, là, il parle de son épouse, il ne va pas les faire lécher par son ami. Donc ça prouve que que parfois le lien entre l'homme et son épouse, il peut atteindre un grand niveau de proximité et de complicité. C'est une allusion qu'il a faite à ça. Si on parle pour un animal, par exemple un chat, on peut le faire aussi, non? C'est-à-dire, par exemple, si on mange, il reste dans le bois et on a un chat, on peut le donner en main pour lécher. Bah, c'est pas interdit dans tous les cas, ouais. Dans tous les cas, au moins ça sera pas perdu. C'est mieux que c'est toujours mieux que de s'essuyer les mains avant. Effectivement, c'est vrai. Muttafaqun alayh. Donc je vous rappelle, muttafaqun alayh, ça veut dire que c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc je regarde s'il y avait, si j'oublie rien. Ça montre aussi que parfois la sunna nous appelle à la simplicité, à la modestie. C'est-à-dire parfois certaines personnes peuvent voir, c'est dégoûtant de lécher ses doigts. Ouais, mais la sunna, elle passe avant le fait que pour toi c'est dégoûtant, et en plus il n'y a rien de dégoûtant. La salive du musulman, elle est pure, ses doigts, ils sont propres. Il n'utilise pas sa main droite. C'est-à-dire même, quand bien même le musulman, il n'aurait pas ses mains avant de manger, de toute façon, le musulman, il n'utilise jamais sa main droite pour les saletés. Il lui laisse toujours la main gauche. Donc, sa main, elle est toujours propre. Donc, qu'est-ce qu'il y a de sale au final? Au-delà de ça, après, c'est des manières en vérité. C'est que des manières. Donc, l'islam, il nous appelle aussi à une certaine simplicité. Donc, on s'arrête là, inshallah ta'ala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين